Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous. Et on donne le coup d'envoi ce soir avec un troisième extrait du plus récent album de la formation polonaise Millennium. L'album a pour titre Hope Dies Last. Et ce soir, on vous présente la pièce Rise Like a Phoenix from the Ashes. Et puis, de Belgique, un nouveau groupe et un premier album. Le groupe a pour nom Fonia. Et je précise tout de suite que ce nouveau groupe n'a aucun lien avec le Fonia que plusieurs amateurs ont connu dans les années 90, un duo de frères américains, des frères Fournier, qui ont proposé cet album entre 1992 et 2000. Le Fonia belge a été mis sur pied par Eric van der Benden, qui était musicien au sein de Ken's Novel dans les années 90. Deux albums pour ce groupe, The Guide, qui est paru en 1999, et Domain of Oblivion, qui est paru en 2005. Outre Eric van der Benden, on retrouve au sein de Fonia Bernard Piette et Gauthier Delco. L'album a pour titre Élie 1025 ou Élie 1025. On vous propose ce soir un premier extrait de cet album. La pièce a pour titre Lunar Sun. Et Marc, par la suite, on se dirige du côté de l'Italie. Oui, en effet, et on aura pour vous un troisième extrait du nouvel album de la formation italienne Blacksmith Tales, un album qui a pour titre Pathway to Hamlet's Mill. Et ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est la pièce Dance to the Stars. On voulait aussi vous mentionner que le 28 décembre et 4 janvier prochains, on prépare pour vous deux émissions spéciales rétrospectives avec quelques-uns des meilleurs albums de rock progressif de 2024. Alors, c'est un rendez-vous. Et comme vous le disait Michel, on débute l'émission de ce soir avec une nouvelle pièce de la formation polonaise Millennium. Thank you.

Thank you. De retour à Terra Incognita avec Marc Chonnet et Michel Bilodeau, on entame cette nouvelle demi-heure avec Joe Dunnenzon et Stratoferius. Le plus récent album a pour titre Imposter. Ce groupe est le projet du violoniste Joe Dunnenzon et qui est maintenant aussi membre de Kansas, le violoniste de Kansas. C'est un sixième album pour cette formation américaine et ce soir on vous présente la pièce Chasing the Dragon et puis de France, Clone, un extrait du neuvième album du groupe, un groupe qui est actif depuis la fin des années 90. Le premier album est paru en 2003. Le plus récent album a pour titre The Unseen et ce soir on écoute la pièce Slow Down et puis Marc par la suite on revient aux États-Unis. Oui, en effet, avec la formation du Connecticut Mile Marker Zero, qui a fait l'objet d'un spécial d'ailleurs à Terra Incognita il y a quelques semaines. Si vous avez manqué l'émission, vous pouvez toujours retourner sur notre site web terraincognita.québec dans la portion radio où vous pouvez accéder à tous les podcasts de nos émissions. Alors ce soir, on aura pour vous un nouvel extrait de cet album qui a pour titre Coming of Age, qui est paru cette année. Et la pièce qu'on aura pour vous, c'est Best Is Yet To Come. Et comme vous le disait Michel, on débute d'abord ce deuxième bloc musical de l'émission avec une nouvelle pièce de Joe Dunnenzon et Stratoferius. Hi everyone, it's Joe from Stratoferius and I'm proud to present to you a new track off our new album Imposter. Hope you dig it. Space.

Hi, this is Dave, singer for Mile Marker Zero, and you're listening to Terra Incognita directly from Quebec City. Thanks so much. Thank you. De retour à l'émission Terra Incognita, dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation Teodicea. C'est un projet du claviériste Enrico Filippi qui faisait partie de la formation Aliante dans leurs deux premiers albums. Alors cet album a pour titre Il Mondo Esausto et ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est la pièce Punto di Fusione. Également de la Finlande, on aura la formation Vesilinja qui viennent de faire paraître cette année leur plus récent album Mercurius, leur troisième en carrière et certainement leur meilleur jusqu'à maintenant. On aura pour vous un extrait de la longue pièce titre, une pièce qui fait 22 minutes au compteur. Donc on aura pour vous ce soir la première partie de cette pièce. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une formation des Pays-Bas. Oui, il s'agit de Mangrove, un groupe qui a été mis sur pied au début des années 2000 et qui cette année a présenté son quatrième album qui a pour titre Bridge to Fiction. Et ce soir, on vous présente la pièce titre. Thank you. setting sun. It's only just begun. I can see the setting sun. It's only just begun. We're waiting for the darkest moon. se kaltaisen saa, aina uudestaan kohtaa. Lailla Prometeuksen tulen, valta vaihtoi haltiansa. Aiempien laulut siis oli jo käymässä vähin. Päivä nousee ja pimeys vastuu syrjään näyttämöltä. Siis Hermes viestisi, kutsu kotiin palajalle. Anna sanani soida, ehkä kaiun sen kuulet. Kartan. rittuina on tulevien tuhkaa. Mut he kulkevat kanssaan iltapäivän läpi iltaan ja yöhön kadotaan. Pian Merkuriuksen yössä. Ota käteesi malja ja nosta se veljelliseen tervehdykseen. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation norvégienne Action Freta, tirée de leur plus récent album Lys Fremtid i Mørke. Il est paru cette année. C'est donc un second extrait qu'on vous présente de cet album à l'émission. Et pour débuter le bloc musical, Michel, une formation suisse qui a fait un retour cette année après de très longues années d'absence. Oui, effectivement, Flame Dream a été actif de 1978 à 1986, donc ça fait 38 ans que le groupe n'a pas proposé d'album. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. Ce soir, on vous propose un extrait de ce nouvel album qui a pour titre Silent Transition, et il s'agit de la pièce-titre que l'on écoute à l'instant. Requisition, holding En guise de conclusion ce soir, on vous propose un extrait du premier album de The Chronicles of Father Robin, un groupe qui réunit, on pourrait dire, la crème des musiciens prog scandinaves, puisqu'on y retrouve des membres de Giorgio, de Wobbler, de Tursmok, et on vous propose ce soir la pièce Twilight Fields. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre bon 2 heures de rock progressif. Restez à l'écoute, l'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente fin de soirée à l'écoute de CKRL. Sing it. Thank you.